Nombre ont tenté mais sont tombés. C'est pour les irréductibles, c'est au visage chargé, rien que du vécu. Le regard glacé comme une chambre froide, on se désinfecte au whisky. Discret on investit, dès qu'on défaut les pesquis. Quotidien du béton, un pour la mif, deux trois pour les arceaux. Voilà les règles en rigueur, soit tu te casses, soit tu coopères. 0, 4, 5, 6, c'est le billet ton boss. Que tout le monde pige, pas du genre à faire du bluff. Juste un scud pour les mecs en piste de bif et de bonne meuf. D'un meilleur demain, d'un neuf à part piste. J'fête mes 22 piges, j'ai quelques ex, 0, 7, 8, 9. Tarot est sympa, le rap est efficace. J'suis dans ton domicile et pourtant hors du mouvement. Les autres ne rappent plus aussi bien, franchement. Si je demande dealer, c'est que son OB. Tarot est sympa, le rap est efficace. J'suis dans ton domicile et pourtant hors du mouvement. Les autres ne rappent plus aussi bien, franchement. Si je demande dealer, c'est que son OB. Un peu combien c'est de speed, rester soi-même, de raquer soi-même pour encaisser soi-même, de réaliser soi-même. La police t'harcèle, smartman, frais comme des swingas, amen. Un peu de cash, on discute. Plutôt une taille de moulin de la grange, un chèque et on discute. On est du genre à s'envoyer un grec devant la canne en écoutant du rail. Maintenant, il se demande cet enfoiré, quelle race. Tarot est sympa, le rap est efficace. J'suis dans ton domicile et pourtant hors du mouvement. Les autres ne rappent plus aussi bien, franchement. Si je demande dealer, c'est que son OB. Tarot est sympa, mais le rap est efficace. J'suis dans ton domicile et pourtant hors du mouvement. Les autres ne rappent plus aussi bien, franchement. Si je demande dealer, c'est que son OB. Combien c'est de speed, restez soi-même.